Mardi 7 octobre, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30 pour discuter art visuel. Cette semaine à l'émission, on accueille Dominique Savoie qui nous fera sa première chronique de la saison sur l'exposition de France Gonod et de Vera Vicente céramique à Materia. Également, on discute avec Vincent Roy, directeur artistique et général d'Exmuro, Dan Bro et Félix Leblanc, deux artistes qui ont tous participé à l'exposition Contre-Pente qui est présentée dans l'espace Pandouce, tout le long de la côte de la Pente douce. Également, Michel Guimond sera présent pour parler de l'exposition Jean-Paul Riopel, le bestiaire qui est consacré aux représentations animales dans l'œuvre de ce très grand artiste québécois. Raymond Poirier nous fera sa revue de presse et le tout, bien entendu, ponctué des suggestions de Simon Roy. Bonsoir. Bonsoir. Je te dis bonsoir parce que je trouve qu'il commence à faire un peu plus noir lentement. Ouais, on s'en va par là. Oui, vraiment, c'est ce que je me dis. Simon, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui? Vu que ça commence à être noir un peu, j'ai trouvé un album de pop électroacoustique qui va accrocher un sourire aujourd'hui avec cette journée triste. C'est un quatuor de la Pologne, il s'appelle Au Au. C'est leur album Nick Nack 2, c'est sur l'excellente étiquette FYH Records. Donc, comme je le disais, un peu de pop électroacoustique, des moments un peu plus tristes au travers, mais dans l'ensemble, c'est assez joyeux comme album. Moi, ça m'a accroché vraiment un gros sourire dans la face. Ah oui, donc tu nous mets du soleil dans cette journée automnale déprimante. Oui. Voilà, ben merci beaucoup, Simon. On écoute un extrait, State Check 44.1.24. Devant moi avec sa pile de dossiers et de documents, Raymond Poirier, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe cette semaine dans l'univers des arts visuels? Ben notamment dans les multiples rumeurs de coupures, réorganisations et le reste, ben on apprend notamment que Québec envisagerait le regroupement d'institutions culturelles, question de sauver des sous. Alors l'idée, par exemple, ce serait d'aller lier entre elles différentes institutions qui ont des missions qui sont parallèles, qui peuvent être corollaires, comme par exemple le Musée national des beaux-arts et le Musée de la civilisation, qui deviendrait donc un musée. Et on estime qu'on serait en mesure d'aller chercher à peu près 5% du budget de fonctionnement d'institutions de ce type-là, et en cumulant les différentes institutions, que ce soit le Grand Théâtre, que ce soit les musées à Montréal et autres organismes de ce type, on espère pouvoir sauver peut-être un bon 3 millions de dollars là, par année. Donc, pour permettre en même temps à ces institutions-là de venir contribuer. Alors, reste à voir, évidemment, donc au-delà de l'épargne, au-delà de l'espoir d'aller sauver donc ce 3 millions-là, ben, est-ce que ça aura une incidence peu souhaitable sur les institutions? Est-ce que, véritablement, c'est des missions aussi qui peuvent aisément se marier? Il y a quand même pas mal de questions à soulever autour de ça. Là, c'est pas une décision qui doit, à mon sens, être prise à la légère non plus. Non, c'est ça. Mais là, on reste dans les rumeurs, là, si je comprends bien. Enfin, il n'y a que des rumeurs depuis quelques semaines. Alors, c'en est une à mettre sur la pile de rumeurs gouvernementales. On verra de ces coups de semonce-là lesquels seront retenus. Et ce sera intéressant de surveiller. C'est sorti ce matin. C'était en une, notamment, du Soleil. Ce sera intéressant de surveiller dans les prochains jours, justement, quelles sont les réactions autour de cette proposition-là, particulièrement, ben, en fait, du milieu muséal, puisque c'est le milieu qui nous concerne directement ici à l'aérospatiale, mais évidemment de voir aussi les réactions d'autres organismes qui sont touchés par... J'ai déjà entendu des commentaires du genre « première étape avant de tout envoyer à Montréal », puis bon, tu sais, il y a déjà des boucliers qui se tendent. Alors, on met ça dans notre pile de dossiers à suivre. Sinon, peut-être de manière un peu plus légère, quelques nouvelles autour de prix et de résidence, notamment en matière de résidence. Méduse, le plaisir d'accueillir en résidence de recherche chez Création jusqu'au 1er décembre prochain l'artiste Miri-Marie Virinen, finlandaise qui offre principalement en art visuel. Alors, on parle d'une pratique autour de la peinture et de l'installation qui concentre ses recherches plus récentes autour de la question du paysage. Donc, elle interroge le rapport que l'être humain entretient avec la nature. Elle explore les dimensions sociales, culturelles et politiques du paysage, les représentations qui en découlent. Alors, elle va développer des techniques de peinture en 3D, notamment, lors de son passage à Québec. Sinon, en matière de prix, le RBC Canadian Painting Competition a annoncé les résultats. On parle quand même d'une bourse de 25 000 $, une bourse d'achat, donc achetée dans la collection de peinture de la RBC. C'est une artiste de Vancouver qui a gagné le prix, donc Tiziana Lamelia. Donc, on parle en fait d'un travail qui combine abstraction et figuration pour offrir, dans le fond, des images d'archétypes mythologiques féminins et couplées avec une narration très, très personnelle. On le mentionne aussi, ce prix, parce que il y a deux mentions honorables qui ont été données, dont l'une à un artiste de Montréal, Nicolas Lachance, pour son travail sur Index numéro 3, The Book of Empathy, et également un artiste de Winnipeg qui était dans ces mentions honorables-là, Oufouk Guéré, pour son travail Market. Et sinon, autre prix d'ailleurs, des artistes émergents canadiens qui ont obtenu des prix, donc un Québécois dans cette sélection-là. Donc le Québécois, il s'agit de Mathieu Grenier, donc de Montréal, un artiste installatif qui s'était illustré notamment récemment à la galerie Trois Points, une exposition en collaboration avec le musée d'art de Joliette. Il avait coupé des trous dans le mur où des peintures de Leduc, de Bordua, de Rita Le Tentre et autres avaient été accrochées, et il avait encadrer les murs, dans le fond. Ah ouais? Donc, pour une réflexion, évidemment, sur la trace de l'histoire, l'histoire de la peinture et la place donnée aussi à certains grands maîtres. Alors, il a été récompensé pour ça, une bourse de 5000 $. Il y a aussi une artiste de Brooklyn, Sarah Quinard, et une artiste de Vancouver, Erdem Tasdelen, qui ont obtenu des prix dans ce concours. Enfin, une petite dernière, ça fait un certain scandale en Grande-Bretagne. En fait, il y a une municipalité là-bas, la municipalité de Clacton, dans l'est de l'Angleterre, qui a effacé une murale de Banksy, un graffiti, on peut encore parler de graffiti dans ce cas-ci, dont la valeur est estimée à plus de 500 000 euros, donc à peu près, quoi, 600-700 000 $ canadiens. C'est quand même pas rien. Donc, l'idée, c'est qu'on avait déterminé que l'œuvre était raciste. Alors, l'œuvre, c'était un dessin quand même assez célèbre de Banksy qui mettait en scène un rassemblement de pigeons gris et noirs qui protestaient contre la présence d'une hirondelle verte en brandissant des pancartes de type « Retourne en Afrique » où les immigrés ne sont pas les bienvenus. Alors, on a estimé que c'était une œuvre qui faisait la promotion du racisme et les autorités donc l'ont retiré. Alors, j'ai comme l'impression que les autorités n'ont pas perçu la notion ironie, dénonciation, etc., etc. derrière ça. Donc, aïe, aïe, aïe! C'est assez particulier. Faut pas s'arrêter. C'était longtemps pour passer, hein? Non, mais en fait, c'est niveau zéro de compréhension d'une œuvre. Aucun degré de réflexion par rapport à ça. C'est un peu triste. Oui, si c'est vraiment dire. Désolant. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On t'entend vendredi à La Vie en BD. Que se passe-t-il? Notamment un deuxième atelier BD à Québec, donc des artistes qui sont réunis. On en discute avec eux. Voilà. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. On s'en va en pause audio. On écoute Niedzela. En tout cas, j'ai pas trop bien prononcé le nom de la pièce. Puis, retour, on discute avec Michel Guimond. On est de retour à l'aérospatiale. Je vous le disais avant la pause audio. Je vous l'ai dit en début d'émission, on accueille Michel Guimond. Bonjour. Bonjour, de la galerie Michel Guimond, bien entendu. Vous exposez en ce moment Jean-Paul Riopel, Le Bestiaire. Cette exposition-là fait partie d'une exposition itinérante, à géométrie oui. Mouvante, je ne sais trop comment le mentionner. Pouvez-vous parler un peu de l'origine de cette exposition-là? Oui, mais l'origine de l'exposition, c'est Iseut Riopel, qui est ni plus ni moins la personne qui est responsable de la mise en valeur oui. de l'œuvre de son père. Et elle a déjà fait une exposition qui était Mémoire d'atelier, il y a 3 ans. Cette fois-ci, ça s'appelle Migration du bestiaire, pour mettre en valeur tout un segment de la production de son père qui est autour du bestiaire. Un segment qu'on connaît un petit peu, mais qu'on ne connaît pas du tout à fond. Dans la région de Québec, on a souvent vu des litos de la série Cap Tourmente, mais c'est tellement plus large. Ouais. Ça date, ça c'est des litos de 83, alors que la production du bestiaire commence autour de 1965. C'est ça, hein, parce que quiconque connaît quand même un peu Jean-Paul Riopel va avoir vu oui. justement les animaux. On a vu l'hommage à Rosa Luxembourg, oui. on connaît bon ses statues, ses sculptures en bronze de hibou, oui. On connaît bon un peu, mais on l'associe toujours à l'abstraction. Absolument. C'est comme si on enlevait ça de la production de Jean-Paul Riopel. Donc là, c'est intéressant de le voir justement présenté. Je pense que ça fait un tout, effectivement. Ça nous montre vraiment un survol de 1960 quelque chose jusqu'en 1990, des œuvres qui ont été faites autour du thème du bestiaire. Mm-hmm. En même temps, il faut faire attention, pour Riopel se qualifiait pas comme un artiste abstrait, ouais. pas plus qu'il est un artiste figuratif. Parce que les différents animaux, c'est des prétextes pour peindre, pour faire de la litho, pour faire de l'eau forte, ou ainsi de suite, pour développer son art, puis le pousser un peu plus loin. Mais j'avais lu aussi, je me rappelle pas où j'avais lu ça, mais que parce qu'il habitait quand même longtemps en France, oui. puis j'avais vu justement que c'est là que sa production d'animaux avait commencé. Absolument. C'était comme en lien, dans le fond, avec sa relation, le territoire, puis oui. son identité. Sa production a commencé autour des animaux vers 1965. Je vous dirais qu'un des moments forts, c'est toute la première ensemble qu'il a fait autour des animaux, qui est une série d'eau forte. Ouais. Il y a à peu près une dizaine d'eau fortes qui sont magnifiques chacune. On en présente deux dans l'exposition, les aigrettes et un cheval. La seule représentation d'un cheval qu'il a faite. Alors ça, c'est un moment fort là, de sa production, mais il a continué jusqu'à 1990 autour du thème des animaux, en croisant avec des œuvres abstraites, il y a comme un retour, un aller-retour autour de ces éléments-là, parce que pour lui, c'est fondamentalement, c'est de créer, c'est peindre. Qui est important. On sent vraiment bien, justement, hein, cette volonté-là, cette frénésie-là. Moi, on s'est vu quand je suis allée visiter l'exposition, puis je voyais le collage, puis je me disais, aïe, aïe, aïe, tu sais, il perd rien, puis il est tout en train de... Il recycle, il prend des rechutes de litho, puis à cette époque-là, puis il recrée une œuvre. On a des œuvres qui sont des pièces uniques, puis il a pris une litho, puis il est venu peindre tout autour, ou il est venu peindre complètement par-dessus la litho. Il y a même une huile sur... papier, dans le fond, sur lequel le papier, c'est une litho qui s'est servie. Ou le meilleur exemple, c'est celui que vous citez, qui est un collage, dans le fond, avec des rejets de lithographie. Et puis, il recrée. C'est le processus de création. Dans ce cas-ci, il nous donne un exemple extraordinaire à partir de rejets de litho. Pour faire sa création. Puis ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que vous me dites qu'il y a deux œuvres qui sont placées une sur l'autre. Là, j'ai oublié le titre qu'il a fait pendant qu'il était à la chasse, pendant qu'il attendait carrément. Oui, absolument. Donc là, il présentait avant l'arrivée des oies, puis au départ des voiliers. C'est ça, c'est des œuvres des années 70 qui ont été créées à l'île aux oies, plutôt des années 80, qui ont été créées à l'île aux oies dans son camp, c'est le cas de le dire, de chasse. Donc, sont créées sur place. Et puis, c'est deux moments de cette chasse-là, l'arrivée des oies, comme vous disiez, et le départ des grands voiliers, où le ciel devient chargé d'oies à ce moment-là. Et vous avez, tantôt, vous avez parlé des eaux fortes. J'ai envie d'y revenir parce que, premièrement, une eau forte, hein, on n'a pas la même couleur qu'on peut avoir en lithographie ou en peinture. Donc, on n'a pas l'éclat coloré de Riopel. Mais je trouvais intéressant de voir, habituellement, des eaux fortes, c'est très axé sur la ligne, sur le dessin. C'est très graphique. Et là, il a comme fait exploser ça. Puis il y a comme un flou, là. Sa technique, elle devait être quand même assez particulière. La technique était complexe. C'est toujours, ce qu'on présente, c'est toujours des œuvres originale faite par Riopel et dans l'atelier, il a contribué au dessin, dans le fond de l'œuvre. Et il est supporté par une équipe d'artisans parmi les plus chevronnés en Europe, entre autres dans les ateliers chez MAG. Dans le cas des deux eaux fortes que vous mentionnez, effectivement, au niveau technique, c'est assez époustouflant. Il y a du sucre qui est utilisé, il y a différentes techniques utilisé pour les réaliser. Le flou, on le retrouve en particulier dans les aigrettes, mais c'est voulu. Les aigrettes, c'est deux oiseaux nerveux là qui a voulu illustrer en plein mouvement, en train de se parler puis en train de bouger face à face. En conversation. Qu'est-ce qui a guidé? Parce que tantôt, je disais, la composition des expositions change, en fait, dépendamment des lieux qui reçoivent l'exposition. Qu'est-ce qui a guidé votre choix? Parce qu'il y avait au moins une centaine d'œuvres disponibles. Ben, je vous dirais, c'est un choix qui est très personnel. Je veux dire, j'ai choisi des œuvres qui n'avaient pas... Je voulais, d'une part, qu'on sente la force du travail de Riopel sur cette thématique-là des migrations. Du bestiaire. Deuxièmement, je voulais présenter des œuvres qu'on n'a pas vues ou peu vues. Alors, c'est un critère qui m'a guidé. Pas reprendre des choses qu'on a vues là, à différents endroits. C'est sûr qu'on veut faire aussi un tout, tout qui va démontrer là, le bestiaire. Il y a des œuvres aussi de grand format pour lesquelles on n'avait pas nécessairement l'espace, puis qui seront présentées plutôt dans les centres culturels ou les musées régionaux et ainsi de suite. Oui, les contraintes finalement. Alors, fondamentalement, c'est un choix par rapport, dans le fond, à l'image ou au rendu. Puis je voulais aussi illustrer les différentes techniques qu'il a pris. Ouais. Que ce soit de la peinture sur panneau de bois, que ce soit le collage, que ce soit l'eau forte, la litho. Les aquarelles et ainsi de suite, les gouaches sur papier. Pour se distancer finalement de ce qu'on a tendance à... de ce à quoi on a tendance à résumer des fois Riopel, qui est ces grandes abstractions des années 50. Des années 54, 55. C'est ça, avec empattement. Ou sinon, à l'autre spectre, on pense à Rosa Luxembourg, oui, parce qu'elle est ici. Absolument. À Québec. Là, mais là, c'est une manifestation qui est très, très, très forte sur une thématique qui a quand même travaillé pendant près de 30 ans. Mais oui. Qui nous dit, Riopelle est aussi fort dans cette démarche-là, dans cette thématique-là. Oui, la même aisance, finalement. Absolument. La même force de création, dans le fond. C'est ça qui ressort de l'exposition. Force de création, je trouve ça bien, parce que c'est effectivement quelque chose qui nous vient à l'esprit, oui, quand on pense à Riopelle. Toujours, c'est cette constance dans la qualité aussi, là, du travail. Vous, Michel Guimond, est-ce qu'il y a une œuvre en particulier que vous appréciez, qui vous touche ou qui vous semble plus signifiante? Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs. Ah ouais? Vous pouvez en parler, en fait? Vous pouvez choisir quelques-unes? J'aime bien les aigrettes, j'aime bien le collage, j'aime les hiboux, j'aime, je vous dirais, le grand tableau de 1990. Alors, celui qui fait penser à l'hommage à Rosa Luxembourg, c'est le centre. Oui, absolument. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas capable de vous dire, je serais pas capable de dire après-midi laquelle. Okay. Il y en a plusieurs, il y en a certainement 5, 6, 7, qui, à mon avis, là, comme on dit dans le jargon, je les prendrais tout de suite. Ah ouais, c'est ça. Donc, si vous étiez très, très, très, très riche comme collectionneur, on part avec le lot. J'en prendrais plusieurs. Oui, on part avec le lot, c'est ça. On part avec l'exposition. On part pas avec un hibou, on part avec quatre. Ben oui, c'est ça, parce que parlant de hibou, justement, il y a un pan de mur, au moins le deux tiers d'un mur, là, qui est consacré au hibou de 1970. Ça, c'était vraiment un animal qui a représenté beaucoup Riopelle. Il a représenté passablement. Puis on retrouve des images de hibou dès les années 40, dans le fond, quand il est très jeune. Puis avant même, je pense, sa production automatiste. Avant si je me sa production pas. Automatiste, déjà, il y a une allusion au hibou, puis ça va le suivre. C'est comme son animal fétiche, quelque part. Animal totem, j'ai l'impression que c'est un animal qui le représente bien. On a une litho, entre autres, qui s'appelle les hiboux, dans lequel il y a 78 hiboux différents, des variables. Sur le thème, mais ils sont tous en noir, sauf qu'il y en a un qui est en rouge, puis la signature de la litho est en rouge. Alors, on peut penser que Riopelle, quelque part, s'identifie avec le premier hibou là, qui est mis sur cette image-là. Puis la manière aussi dont il représente les hiboux, là, je veux dire, ça évoque carrément un torse humain là, par moment. Moi, je pense si à une des lithos où on dirait presque qu'il y a un bras, la tête. Il ne présente pas l'animal dans l'ensemble. Non, il coupe aux trois quarts, pareil comme on ferait avec un portrait. C'est pas l'animal dans son environnement. C'est, c'est vraiment des variables sur le thème, là, dans le fond, sur une forme, sur un thème donné. Puis sinon, il y a beaucoup d'animaux aussi, d'animaux, on le dit, mais d'oiseaux qui sont représentés, soit des oiseaux pour la chasse. Les aigrettes, les c'est soies. C'est ça. Vous dites qu'il y a un cheval, c'est le seul. Donc, on voit aussi que son bestiaire, là, il ne part pas dans toutes les directions. Là, il est vraiment comme... Il est beaucoup plus vaste que les choix que j'ai faits. Ça, j'ai cherché quelque part, par exemple, effectivement, pas à montrer tous les animaux qu'il aurait pu traiter. On fait pas un inventaire. Non, c'est ça, faire plutôt des blocs autour d'un thème donné ou autour d'un animal donné pour montrer comment il peut le développer, comment il peut le pousser, jusqu'où il peut aller, comment ça peut l'inspirer, finalement. Puis la réaction des gens, c'est quoi? Il y en a qui doivent être surpris, j'imagine. Ben, les gens, je pense, de façon... tout le monde qui rentre, je pense, découvre un autre aspect de la production de Riopelle. Alors ça, je pense que c'est bien réussi. Les gens se sentent bien dans l'exposition. C'est la première fois que je vois des gens nous remercier pour une exposition. Ah ouais? Qu'on présente, oui, c'est assez particulier. Ils vous remercient parce que... Parce que c'est beau, ils ont découvert, parce qu'ils ont aimé, parce que ça valait la peine de venir. Ah ouais, alors, OK. C'est une petite... par rapport à une exposition au musée, c'est 30 œuvres. Mais il se dégage quelque chose de fort de l'exposition. Je suis d'accord. D'ailleurs, devant moi, vous avez apporté la monographie qui a été écrite justement par Isaac Riopelle, entre autres, sur le bestiaire. Et là, on peut vraiment voir toutes les déclinaisons. On peut approfondir, puis il y a d'excellents articles dans le livre, oui. Puis vous en vendez, j'imagine bien. On en a sur place, à la galerie ou à tout le monde, on l'utilise pour se documenter. En terminant, Michel Guimond, ce Riopelle, les bestiaires, c'est jusqu'au 23 octobre. Qu'est-ce qui s'en vient par la suite? Vous voulez avoir un scoop? On peut avoir une primeur. C'est une exposition de Diane Landry. C'est assez particulier. C'est la première fois qu'elle expose en galerie privée. Ah ouais. Des nouvelles, je ne sais pas si on peut dire des machines ou des en tout cas, toute une suite là, d'installations. OK. Alors, je pense que ça va être une très belle exposition, complètement différente, qui fait appel au mouvement, à la lumière, et ainsi de suite. Ben voilà, donc on aura certainement l'occasion d'en discuter, oui, soit avec vous ou avec Diane Landry, carrément. Donc, ben, Michel Guimond, merci beaucoup. Merci. L'exposition Riopelle, Bessière est présentée à la galerie Michel Guimond jusqu'au 23 octobre. On s'en va en pause, retour, on discute avec Vincent Roy, Dan Brault et Félix Leblanc. Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 26 octobre, 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. La Rotonde, Centre chorégraphique contemporain de Québec, vous invite à sauter à pieds joints dans sa fabuleuse programmation 2014-2015. 12 œuvres chorégraphiques d'exception, sensibles ou radicales, parfois envoûtantes, souvent énergisantes, auscultent la condition humaine et témoignent de notre temps. Venez à la rencontre de créations venues de Québec et Montréal, de France et de Grèce. Nul autre que Mathilde Monnier, Karine Ledoyen, Annie Gagnon, Ruthless Root et Frédéric Gravel nous visiteront cet automne. Billets et informations sur larotonde.qc.ca ou via Billettech. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez L'autre moitié du soleil. Les aventuriers voyageurs présentent Kauai. Gone Girl, sous les jupes des filles. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la civilisation, L'autre moitié du soleil, sous les jupes des filles et le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du classique avec le concert 14-18 Paroles et musique. L'accordéoniste et chanteur Steve Normandin, le pianiste Maxime Bernard et le comédien Éric Leblanc vous offrent une soirée soulignant le 100e anniversaire du début de la Grande Guerre. Avec des œuvres musicales et littéraires écrites par des Français, des Allemands et des Anglais qui ont vécu cette guerre, le trio vous transportera dans la vie quotidienne et la mémoire collective de ces années marquantes. Le 11 octobre, vivez la musique à son meilleur avec 14-18 Paroles et musique. Détails au palaismontcalm.ca. Demain, dès 17h30, écoutez l'émission en direct du Sacrilège, présentée au Sacrilège. C'est évident. CKRL 89.1, Québec. On est de retour à l'aérospatiale. Peut-être avez-vous vu dans les journaux ou carrément dans la rue en descendant la côte de la Pente douce, un gros changement, en fait, un changement majeur. C'est l'œuvre de plusieurs artistes, mais dont le concept a été élaboré par Vincent Roy d'Exmuro. Bonjour. Bonjour. J'accueille aussi deux des artistes qui ont collaboré. Félix Leblanc, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux qu'on dise flexible ou Félix? Peu importe. Un ou l'autre, tu t'identifies bien. C'est correct. Excellent. Et Dan Brault, bonjour. Salut. Je vais commencer, en fait, au départ, Vincent, on s'est parlé là, il y a quelques semaines pour les passages insolites. On avait un peu discuté de contre-pente, de l'espace pente douce. Oui. J'ai envie de te dire en premier, là, ça faisait vraiment longtemps que ça te tannait, hein, cette place-là, là, que ça te travaillait puis que tu voulais faire de quoi avec. Ça faisait 4 ans que je ou sinon plus, là, que je la spotais aussi comme un super beau mur, beaucoup de potentiel artistique, on s'entend. Et c'est ça, de fil en aiguille, il y a eu l'exposition à Charles-Frédéric Ouellet. Ouais. Qui s'avérait être une espèce de premier geste, quand même, là, pour occuper partiellement cette côte-là. Puis après ça, en discutant avec la ville a vu un grand intérêt aussi Donc, on a réussi là, à ficeler tous nos, nos accords là, avec l'entente de développement culturel, ministère et des communications et la Ville de Québec. Et aussi le Forum Jeunesse, qui nous ont supportés aussi dans ce projet-là. Puis là, ben, t'as, dans un premier temps, en fait, là, c'est l'espace Pando, c'est-à-dire que c'est une galerie à ciel ouvert qui va présenter des expositions... quoi, annuel ou deux c'est, ans? C'est à voir. On va voir d'abord comment l'expo va vieillir aussi. Tu sais, c'est, ouais. On a toujours des tests, hein, nous autres, on se lance comme ça un peu, puis advienne que pourra, dans le fond. Mais moi, je le vise, moi, cette expo-là, pendant un an. Ensuite, deux ans. Peut-être okay. deux ans. Okay. Mais l'espace Pandouce, pour moi, c'est important de le nommer, tu sais, pour vraiment comment faire un espace récurrent, mais vraiment pour refaire un peu le lieu. Mm-hmm. On vient affirmer quelque chose, on vient faire une galerie, comme tu dis, là, à ciel ouvert. Donc ça, c'est l'espace Pandouce. Puis ensuite de ça, ben, Contrepente, c'est le titre de l'exposition. Peux-tu peut-être nous la présenter globalement avant qu'on se penche sur les artistes, sur les œuvres? Ouais, ben, je pense que j'avais envie de parler comme amorce, dans le fond, pour l'espace Pandouce. Je voulais parler du graffiti. Puis le graffiti, mais au sens assez large, je veux dire, graffiti, on pense à street art, on pense aussi à vandalisme. Ouais. On pense aussi aux artistes qui utilisent le graffiti dans leurs travaux. On pense aux artistes qui peuvent s'apparenter à ce que font les graffitis. Et l'inverse aussi, les artistes graffeurs qui ont peut-être de plus en plus une pratique qui s'actualise ou qui sort actualise où ils recherchent peut-être aussi cette espèce de d'accès là aussi au lieu professionnel, et il y a des artistes qui sont entre les deux, donc vraiment là, essayer de trouver là le point de rencontre entre l'univers de la rue et l'univers plus muséal, disons plus galerie là. C'est ça, tu dis point de rencontre. Moi, je voyais vraiment aussi comme échange ou discussion entre des artistes plus établis, des artistes de la relève, des artistes de la rue, des artistes des arts visuels. Un lieu qui est à la fois un lieu d'exposition, comme une galerie, mais qui est aussi dans la rue. Donc, j'imagine que tout ça, c'est un peu au cœur des... Oui, ben c'est ça, évidemment, réunir tout ce beau monde-là. Ce beau monde-là, on se parle. Pis de toute façon, la plupart se connaissaient déjà, façon. Le milieu à Québec, c'est pas gros, hein. Puis, mais sauf que dans un même projet, là, c'est assez intéressant ce qui peut se passer. Peut-être que ça va faire des petits aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont aimer travailler ensemble puis qui vont faire d'autres projets ensemble. Là, on le souhaite. Non. Non. Dan Bro, toi... Non, c'est une blague. Non, je m'en doute bien avec ton éclat de rire sincère qui vient avec. Toi, tu présentes des détails d'œuvres dans des boîtes lumineuses qui seront lumineuses là sous peu. Ouais, ben ça pour l'instant, c'est parce qu'on a Hydro qui va venir brancher le fil. Mais oui, ça va être des boîtes lumineuses en fait. Puis quand Vincent m'avait approché pour m'en parler. Tout de suite, il m'avait commencé à me parler, en fait, que ça pourrait être une boîte lumineuse. Je pense que je me rappelle plus si c'était obligatoire ou non. Je pense qu'on en avait discuté ensemble, puis on c'était... C'est-à-dire que nous autres, on avait au départ la vision qu'on avait, c'est une vision, comme je disais, un peu récurrente, pérenne. Mm-hmm. Fait qu'on a investi sur la structure elle-même. Mm. Donc l'éclairage et des caissons lumineux. Je voulais l'effet de nuit, moi je trouvais ça très très beau. Fait que je voulais des boîtes lumineuses qui vont nous servir plus tard. Ben ouais. Fait que je pensais aux toiles de Dan Bro aussi, son imagerie, puis tout. Je me disais, en boîte lumineuse, ça va faire ça. C'est ça. Bon, donc, merci parce que j'ai pas de mémoire. Mais en fait, c'est ça. Vincent m'avait parlé d'un peu de cette idée-là de faire des boîtes lumineuses. Puis comme j'avais jamais travaillé avec ça, comme j'avais jamais vraiment travaillé non plus à l'extérieur, c'est un espace d'exposition, mais ça reste quand même que c'est un mur, ben là, ouais, c'est ça. Puis fait que j'ai trouvé ça cool, l'idée de en même temps, c'est vrai, j'avais déjà fait un projet de style genre 1% en Abitibi, où j'avais utilisé des grands panneaux lumineux, puis j'avais trouvé que c'était intéressant. Fait que puis là, ben on parlait de peut-être reprendre des tableaux au moment où on s'en était parlé, c'était peut-être de prendre des tableaux réels, mais là, comme il y en avait beaucoup. Puis, on s'est entendu aussi à un moment donné sur une forme. Il fallait quand même essayer de trouver comme une espèce de... Comme un motif, là. Ouais. Puis là, ben, j'avais fait plusieurs petites maquettes, mais je trouvais que ce qui fonctionnait le mieux, c'était justement de prendre des genres de close-up, comme des découpes dans les tableaux, ouais, là, qui existent déjà. En même temps, il y a un tableau en tout cas, il y a un détail de tableau qui existe plus. Je l'ai effacé depuis. Fait que c'est quand même cool là, d'avoir ça. Mais ce que je voulais, moi, c'est en fait, c'est reconstruire quelque chose à partir de, là. Tu sais, dans le fond, que les gens aient vu les tableaux à l'origine, c'est pas vraiment important, selon moi, là. Je pense qu'il y a quand même une espèce de jeu dans l'espace, sur le mur. Il y a comme une espèce de phraser, si on veut, là, avec les boîtes lumineuses. Fait que je pense que ça fonctionne. En tout cas, je souhaite que ça fonctionne sans l'origine qui est les tableaux. Mais en même temps, mon travail est tellement justement comme une espèce de collage de plusieurs éléments que je pense que ça fonctionne bien justement à cause de ça. Je pense pas que ça crée de malaise là dans en tout cas moi non, ça manquerait pas là que... ça m'en a pas créé non plus là je moi, sais pas pour vous messieurs Non mais j'apprécie moi leur ouverture aussi à ces artistes là je pense à Dan puis à Martin aussi Martin Bureau parce que en peinture, Serge, c'est de la photographie. Donc, par définition, c'est un peu toujours une photo, c'est un peu toujours une reproduction d'une image. Donc, dans des boîtes lumineuses, ça choque pas. Mais de la peinture, ça reste, on sent plus la reproduction. Fait que des fois, c'est peut-être pas évident pour certains artistes aussi, certains peintres, de pourquoi je reproduirais ma toile dans l'espace public. Mais là, Dan, avec son ouverture aussi, sa créativité aussi, on va réinterpréter aussi mes toiles. On va prendre des détails comme ça. On va les réorganiser dans l'espace public. Fait que ça, moi, j'apprécie ça parce qu'on peut faire de l'art public avec des artistes qui font pas de l'art public. Ouais, c'est ça. T'sais, on réinvente leurs travaux, leur travail. Puis ça, j'aime ça. Mais en même temps, t'sais, ça reste que c'est de l'image. Puis, tu sais, que ça soit de la peinture pure, là, comme c'est supposé être fait, mettons, en galerie, ça, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Puis, en plus, je dirais, je l'ai pris comme, tu sais, comme mettant quelque chose d'autre, dans le fond, là. Fait que, tu sais, j'essaie autre chose. Fait que, c'est comment je pourrais dire, tu sais, je vois pas ça comme étant oui, je suis parti de tableau, là, mais je veux dire, ça reste que... C'est une autre démarche, ouais, en fait, exactement, là, ouais. Puis, tu sais, c'était le fun, j'ai travaillé beaucoup avec Vincent aussi, puis... je sais pas, moi je trouve que c'est quelque chose, justement c'était plus une aventure de groupe qu'un truc personnel dont j'ai l'habitude de faire d'habitude à l'atelier, là, faire des tableaux. Donc je sais pas, il y a quelque chose de trippant là-dedans aussi. Fait que tu sais, l'ouverture est de notre bar, mais en même temps le projet est déjà assez généreux, puis il y a de la place pour s'amuser aussi. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on les artistes embarquent là-dedans, non? Parlant de projet de groupe, je m'excuse, Dan, je vais pas te couper, mais là, je regarde Félix, puis je me dis, toi, t'as fait quelque chose de quand même, je trouve ça ambitieux, là, dans le sens où tu t'as pris comme un gros plan, que t'as reproduit, en fait, à ta manière, la création de l'homme de Michel-Ange. Je pense que t'as travaillé, si je me trompe pas, avec Jeannine Fortin et Caroline Turcotte. Oui, tout à fait. Précieuse collaboratrice, oui. Qu'est-ce qui a fait que t'as eu envie de faire ça? T'as voulu, parce que j'ai lu que t'as dit, j'ai vandalisé Michel-Ange. Oui, tout à fait. Après ma barre, hein, quand j'ai été approché par Vincent, j'ai beaucoup réfléchi au projet de rapprocher, si on veut, l'esthétique de l'expression sauvage avec les arts actuels, l'art de recherche, un art qui est beaucoup plus, entre guillemets, sérieux. Il y a finalement une anecdote là-dedans, en fait. Ah ouais, je la veux, l'anecdote. Oui, j'allais raconter quand même pas mal au fil des jours, des derniers jours, là, en fait, c'est ça, on voit clairement la création de Michel-Ange, en fait, les deux doigts qui tentent vraiment d'établir contact, et puis il y en a un du côté droit qui est totalement blême et froid et très clouque 2D, bien figé. L'autre, c'est vraiment une reproduction qui est une tentative de reprendre le modelé de la Chapelle Sixtine. Bon, c'est ça, c'est la rencontre, hein, entre les beaux-arts et un art qui est beaucoup plus sauvage, en fait. Bon, l'esthétique sauvage. C'est ça. Cette rencontre-là, ça veut d'être un peu le dialogue là, des deux parties, non, finalement. Comme une synthèse, un peu, je trouve, du projet. Oui, c'est une tentative de synthèse, puis c'est le résultat de ma réflexion sur le projet, puis comment je l'ai mis en forme pour que ce soit cohérent avec l'ensemble, puis aussi surtout, je te dirais, créer un prélude aussi avec les œuvres de Dan Brough, là, qui suivent directement sur l'espace du mur, en fait, là. C'est ça. Bon, fait qu'étant la première partie murale, si on veut dire, l'autre équipe a créé quelque chose d'autre qui est plus haut. Mais moi, c'est la première partie, donc c'est comme vraiment l'introduction au projet, là. Je suis ravi, là, d'y participer, puis d'avoir créé ce morceau-là d'une œuvre qui est à suivre, là. Parce que finalement, tout vandalisme est accepté. dans l'optique. Mais j'ai on va pas parler de ça, moi. C'est ça. Non, il y a des haussements de sourcils. Comme... Est-ce que c'était dans le contrat? Oui, ça, bon, là, c'est là? Ça. Non, c'était pas dans le contrat. C'est que c'est vraiment comme une bûche inoculée sur laquelle j'attends qu'il pousse des shiitakes. En fait, c'est je peux le dire comme ça, là, si on veut, là, c'est ça. Il va sûrement pousser quelque chose. Puis c'est bienvenu. Tu sais, j'ai vandalisé volontairement l'œuvre de Michel-Ange. Puis c'est ce qui se produit. En tout cas, notamment avec beaucoup d'œuvres qu'on retrouve dans la ville, il y a souvent traces de graffiti vandale. Donc, ouais. C'est ça. J'ai mimé, OK, le graffiti vandale au sein de cette murale-là. T'sais. J'ai aimé ça, Félix, t'as dit, je fais comme l'introduction. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un sens? Parce que moi, je me demandais, est-ce qu'on doit la regarder? Ben, on la regarde du sens duquel on arrive. Là, je pense à la base, c'est ça. Mais vous l'avez vraiment pensé, donc, de la Basse-Ville jusqu'à Haute-Ville, cette expo-là? Je sais pas pourquoi. On dirait que naturellement, la côte de la Pente-Douce, ça part de bas, puis elle monte vers le haut. Naturellement, t'habites en Basse-Ville, hein? J'habitais les deux endroits, mais je sais pas. Je pense que la côte prend son importance beaucoup dans la base. On la voit de loin. On arrive à la lumière en haut de Marie-de-l'Incarnation. On tourne, on amorce la côte de la Pente-Douce. Je trouve qu'il y a quelque chose de peut-être que dans l'histoire populaire aussi, la côte de la Pente-Douce est beaucoup associée au quartier Saint-Sauveur, à Roger Lemelin aussi qui a écrit là-dessus. Donc peut-être que c'est justement un lien qui part de Saint-Sauveur et que les gens vont travailler aussi en Haute-Ville. Donc le mouvement se fait beaucoup le matin, les gens montent et le soir redescendent la côte de la Pente-Douce. Donc je sais pas, c'est vrai que l'amorce, on dirait que ça se fait d'en bas là. Mais ça se voit des deux côtés, il y a pas de sens. Et le sens, ben c'est comme toute œuvre d'art dans le fond, il y a le sens que l'artiste veut donner. Puis après ça, il y a le sens où les gens, comment ils l'interprètent aussi comme le sens. Donc les gens, ils peuvent partir du milieu s'ils veulent. Oui, il faudrait arriver au milieu. C'est pas évident, mais ça se fait. Ben, il y a le parc des Braves en haut, ils peuvent descendre. Oui, c'est vrai. Sinon, ils ont téléporté, je sais pas quoi, là, dernièrement. Fait qu'ils sont dans un avenir pas si lointain. J'ai envie de terminer parce que le temps file. C'est un gros mur. C'est un long mur. J'imagine, je pose la question à tout le monde, comment vous trouvez le résultat final? Parce que ça devait être un défi là, de faire une mise en espace, en fait, sur ce long mur-là. Ben, personnellement, moi, c'est un mur qu'on voit, c'est pratiquement impossible de voir dans son ensemble. Ben ouais. Donc, le travail se faisait vraiment, je dirais, bout de mur par bout de mur, là, mm-hmm. ou artiste par artiste, ou groupe d'artistes par artiste. Donc, pour moi, ça se fait de gauche à droite. C'est une lecture qui se fait, comme quand on visite une exposition, puis qu'on voit des tableaux, carrément, faut le voir comme ça. Oui. Ben, comme moi j'avais une section du mur pour me, tu sais, c'était clair, c'était entre telle et telle marque dans le fond sur le mur là. Fait que c'est, moi j'ai pas trouvé ça outre mesure difficile, hein? Non, c'était comme dans le fond, bon, ok, j'ai cet espace là à occuper, puis Vincent avait les moyens de mettre plusieurs boîtes lumineuses, une chance, j'avais eu comme deux boîtes lumineuses, ça aurait été plus difficile de prendre l'espace, mais là, avec 12, c'est quand même pas pire. Fait que, on avait les moyens qui allaient avec l'espace. Là. Merci aux subventionnaires. Oui, c'est ça, remercions-les. Mais aussi, je trouve qu'une fois qu'il y a des œuvres, c'est une impression que j'ai, mais là, on dirait que la côte est plus petite. Ça vient la resserrer un peu. Ouais. Ça, on se perd pas comme dans une espèce de marée de béton. Là. C'est peut-être le noir aussi, c'est important de la peindre en noir pour la rapetisser. Ben voilà, c'est déjà tout le temps dont on dispose. Dan Brault, Félix Leblanc, Vincent merci. Roy, merci beaucoup. Merci. Donc on a un certain temps, on a au moins un an pour aller voir ça. On aura des nouvelles éventuellement, des projets à venir. Donc dans la côte de la Pente-Douce, l'exposition c'est Contre-Pente. On fait une pause, on écoute Lighthouse on the Way Home. Au retour, on discute avec Dominique Savoie. On est de retour à l'aérospatial. J'accueille pour la première fois cette saison Dominique Savoie. Bonsoir. Salut. Ça faisait longtemps, hein, déjà quelques mois qu'on s'était pas vu. Déjà. Pour ta première chronique, tu es allée faire un tour à Materia. Oui, en fait, je suis allée voir l'exposition qui est présentement à l'affiche. C'est France Gonneau et Vera Vicente. Je sais pas trop si je le prononce comme il faut. Deux céramistes, en fait, qui sont à Materia jusqu'au 16 novembre. Deux céramistes d'expérience qui ont chacune une pratique très distincte, mais qui, en même temps, ont beaucoup d'affinités. Le travail qui est présenté ici, c'est deux vraiment expérimentations de la céramique différentes, mais qui va très bien ensemble. Okay. Donc, elles ont chacune leur pratique, mais ici, elles abordent la céramique ou la porcelaine, là, dépendamment qui fait quoi. Présente donc de manière très ornementale, très sculpturale. Donc, cette technique qui souvent est attribuée plus à l'ordre du fonctionnel, au métier d'art, ben là, ici, c'est vraiment une approche sculpturale. Puis, les deux présentent donc des œuvres qui sont inspirées de la nature, inspirées de leurs souvenirs, souvent rattachées à l'enfance, et proposent un ensemble d'œuvres qui, si on avait à les qualifier, c'est simplicité, élégance et féminité. C'est vraiment ce qui les rapproche le plus. Je vais commencer d'abord avec le travail de France Gonneau. Donc, elle présente deux séries qui s'intitulent Destination et City. France Gonneau œuvre surtout à Montréal, mais a exposé un peu partout, dont tout récemment au Japon. Elle travaille surtout la porcelaine et elle le mélange avec le textile. Son travail est exposé sur les murs de la galerie. Et c'est présenté, comme je disais, c'est très ornemental, très décoratif, mais ici, on se rapproche beaucoup de la joaillerie. C'est présenté vraiment, c'est pratiquement des bijoux. Ah ouais, donc on est vraiment comme dans une hybridation. Exactement, ben c'est des formes très hybrides aussi. Ça rappelle beaucoup des éléments de la nature, donc on peut voir des ossements, des alvéoles, des fois même des formes qui rappellent un peu plus les coraux, les anémones. Et en contrepartie, une autre série qui s'appelle City, elle, présente plus des formes, disons, géométriques, plus urbaines, dont le titre City, beaucoup plus construites, qui rappellent justement des grilles, des blocs de béton, ou à la limite le gratte-ciel. Nature-culture, finalement. Exactement, là. Exactement. Puis en fait, la série, de la manière, les deux séries, en fait, qui sont proposées, ben, se suivent et fait comme une espèce de progression, justement. Autant au niveau du thème, dont nature vers, donc, l'urbanité, et en même temps, sur les tonalités, donc elle joue beaucoup avec les couleurs. Ben, en fait, les couleurs, c'est beaucoup dire, c'est plus des tonalités. Donc, le blanc vers le noir, donc il progresse à travers des tons de gris. Et ces formes-là, donc, sont mélangées aussi avec le textile. Elle joue autant avec le textile. Elle a ramené de ses séjours au Japon plusieurs tissus et elle les a donc combinés à son travail de céramique. Et elle joue aussi avec le tissu. Elle le noue, elle va le déchirer. On va voir des bandelettes. Elle joue aussi avec les fils. Donc, ça donne un effet de contraste, autant de texture, aussi de matière, mais aussi, elle joue beaucoup avec la glaçure, donc l'apparence soit mât ou glacé pièces. Donc, ça fait un effet intéressant visuellement. Et sans oublier aussi le jeu d'éclairage, donc les ombres qui sont projetées viennent agrémenter justement ce travail sculptural et ornemental. Donc, parallèlement à ça, il y a aussi donc Vera Vicente, qui est d'origine brésilienne, mais qui est établie à Montréal là, depuis plus d'une dizaine d'années. Elle présente une série de 12 pièces situées plus au centre de la galerie. Et malgré le fait que ce soit 12 pièces, c'est quand même une unité là, dans l'ensemble. Là. Ce sont 12 vases, mais des vases beaucoup plus décoratifs, là, qui sont composés généralement de deux parties, une plus grande et une plus petite qui est déposée, en fait, comme dans le creux de la plus grande. Ça rappelle beaucoup donc des formes, un peu la forme ovoïdale, et en même temps, ça rappelle des éléments naturels. On pourrait penser tout simplement à des pierres d'eau qui sont déposées l'une sur l'autre. C'est très organique, c'est presque vivant en fait, parce que le jeu de la courbe, la contre-courbe est très présent. Ça rappelle beaucoup en fait des éléments là, donc naturels, voire même des courbes féminines. Elle aussi travaille beaucoup donc dans des tonalités plus de blanc, gris et noir, et joue aussi beaucoup avec la texture, donc le mât versus l'aspect plus poli, plus glacé. Ouais, donc il y a des liens formels là, c'est qui sont ça, exactement, très forts. C'est peut-être plus au niveau aussi de la technique. Donc elle travaille étonnamment, ce sont des formes très t'sais, presque parfaite, là, très très très bien exécutée, travaille avec une technique. Donc ces pièces sont montées en par colombin, façonnées donc, et ensuite sont cuites en l'enfumage, ce qui lui permet donc de contrôler un peu cette texture et en même temps ses couleurs. Donc on le voit bien, cette progression là des blancs vers les gris noirs là, et elle joue beaucoup avec ces contrastes là, donc ça donne un effet aussi intéressant là à l'ensemble de son travail. Et tout comme pour le travail de France Gonneau, ben, l'éclairage est aussi important dans la présentation. Donc, on veut jouer avec ces courbes contre courbes-là aussi, avec un jeu d'ombre et lumière là, qui amplifie encore une fois là, cet aspect sculptural. Mais ça a l'air très bien. Je ne l'ai pas vu. C'est bien parce que ben on approche on se rapproche de quelque chose de beaucoup plus justement artistique, ornemental, sculptural que justement uniquement la céramique dans le fonctionnel et dans la production. Donc c'est mais vraiment cette tendance là en fait dans à peu près tous les métiers d'art hein, qui est très présent. Donc l'hybridation, métissage en art actuel, c'est très c'est très fort présent aussi, mais c'est bien qu'un centre comme Materia aussi présente quelque chose là qui se rapproche. Ben, en fait, qui touche aux deux. Autant à parce que la technique, elle reste toujours là quand même. Exactement. Puis, mais on la sent pratiquement plus. On oublie à la limite que c'est de la céramique ou de la porcelaine, tellement le propos et l'aspect esthétique, visuel, est tellement bien représenté, tellement réussi, qu'on oublie que carrément, là, on est avec un médium qui appartient d'habitude davantage justement au domaine du métier d'art. Voilà. Ben Dominique Savoie, merci beaucoup. C'est plaisir. Tu me donnes envie d'aller voir ça. Ça vaut la peine. Voilà. Donc, c'est France Gonneau et Vera Vicente. C'est présenté à Materia jusqu'au 16 novembre. On fait une courte pause. On écoute Arab Tripper. We'll be right back. Voilà, c'était la pièce Arab Tripper. C'est tiré de l'album Knick Knack 2 de How How. C'est le fun à dire. C'était la suggestion de Simon Roy. Vous pouvez écouter à Web Musique dimanche soir à CKRL. En terminant, je vous invite à faire un tour sur notre site, l'aérospatiale.wordpress.com. Vous avez à peu près toutes les actualités en heure actuelle à Québec, l'émission disponible en balado-diffusion, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier, les liens pour le téléchargement des pièces de Simon Roy. Bref, tout y est, vous vous questionnez sur une exposition, ben vous allez certainement y trouver l'information pour autant que ça concerne l'heure actuelle ou à tout le moins les expositions dans les musées. En terminant, je vous invite demain de 18h à 20h, il y a le lancement de la monographie de Francine Simonin à la Galerie Lacerte. Donc, si vous aimez cet artiste et que vous voulez la rencontrer et voir être parmi les premiers à se procurer la monographie, ben allez-y, l'invitation est lancée. Sur ça, c'est déjà la fin de l'aérospatiale. Je remercie Jacques Gignac à la mise en onde. Je remercie mes invités et collaborateurs. Puis, je vous souhaite une très belle soirée avec Gilles Chaumel et son folk d'Amérique.